Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale. Je suis Kevin Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @surtransversale et mon compte personnel @kevlaramé. Oui, il est Laramé, il n'y a pas de N, c'est un M, Kev Laramé. Bienvenue à Sur la Transversale. C'est difficile pour l'instant dans la vie d'un partisan de l'Impact de Montréal. Et aujourd'hui, après mûre réflexion, j'ai pensé vous donner un petit pansement. Aujourd'hui, c'est pas le temps de penser aux défaites contre Chicago, contre Philadelphie et contre le Galaxy. C'est pas le temps de parler de Zlatan, puis de son caractère, puis du fait qu'il aime ça ramasser des petits Canadiens en arrière de la tête, une petite mornif. Non, aujourd'hui, on parle du 25 ans de l'Impact de Montréal. 25 ans en 10 moments. 10 moments que, selon moi, mes moments préférés de moi, de mon histoire depuis que je suis l'Impact de Montréal, du temps que j'étais petit et que je suivais les matchs de l'Impact des fois sur des sites durs à trouver ou sur Radio-Canada tard le soir en différé ou des fois sur des sites internet pas très fiables dans les années 2000 ou du temps du Stade Saputo 1.0, Stade Saputo 2.0, du Stade Olympique, du Centre Claude Robillard et compagnie. 10 moments qui m'ont marqué moi. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui et pour continuer l'émission, ensuite une histoire rapide de l'Impact en deuxième division. On parle souvent de la MLS, de l'Impact depuis 2012, depuis leur arrivée dans la ligue la plus importante de soccer en Amérique du Nord, en excluant le Mexique évidemment. Donc la ligue la plus importante de soccer de l'histoire du Canada et des États-Unis, la MLS, oui. L'Impact a eu une histoire quand même très, très, très intéressante, remplie de succès et de gloire et de moments intéressants. Donc, on va faire un petit survol année par année. Gracieuseté de l'Impact de Montréal, un article qui a été présenté il y a quelques semaines sur leur site Internet que je vais vous mettre en lien dans la description de l'émission que vous écoutez maintenant. Vraiment intéressant quand on pense au tout chemin parcouru du temps de Joey Saputo en 93, quand il s'est annoncé en décembre 92, mais la première saison en 93, jusqu'au même, on se rappelle, l'Impact de Money était un organisme sans but lucratif. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est un organisme non lucratif, mais ça, c'est une autre histoire pour une autre journée. On va commencer par les 10 moments de l'Impact. 25 ans en 10 moments commence maintenant. Numéro 10, le 10 mars, évidemment, je devais mettre le 10 mars 2012 en tant que numéro 10. Le premier match de l'Impact en Major League Soccer, en MLS, au Stade Olympique, contre le Fire de Chicago. Ah! La barre transversale, off the woodwork, sur la barre, Tyson Wall aurait pu changer l'histoire de l'Impact de Montréal avec ce tir. Mais non, ce n'était pas écrit. C'était pas dû, il était pas dû. Et Tyson Wall, sa carrière, a reconnu, je dirais, un parcours similaire à ce ballon. A frappé la barre, a frappé un mur. On le retrouve maintenant en USL, je crois. Faudrait vérifier s'il joue encore. Je pourrais pas vous confirmer. Davy Arnaud, si on se rappelle, a marqué un but de la tête pour aller chercher le verdict nul durant ce match. Davy Arnaud, premier marqueur de l'histoire de l'Impact en MLS, le 10 mars 2012. Mais mon souvenir de ce match, assis dans les estrades du Stade Olympique, très loin, je ne voulais pas manquer ce match pour rien au monde. Et je dois m'excuser à mon employeur du temps. En 2012, oui, j'étais pas malade le 10 mars 2012. J'étais au Stade Olympique. Numéro 9 dans mes moments, les marquants de l'histoire de l'Impact de Montréal. Marco Di Vaio, son avenue avec l'Impact de Montréal a changé beaucoup de choses. Nous a montré des qualités de marqueur, des ballons enroulés et des buts à profusion pour les trois années suivantes. Il nous a amené des moments intéressants. Oui, des moments moins intéressants aussi. Carton rouge à Houston et compagnie. Je pense à Di Vaio, je pense à sa chimie avec Justin Mapp. Ah, Justin, je m'ennuie de toi, Justin Mapp. Et en passant, si vous vous ennuyez de Justin Mapp aussi, il y a quelques semaines, je l'ai interviewé pour mon émission anglophone Soccer Today. Je vous conseille d'aller écouter fortement cette entrevue avec Justin Mapp, qui est maintenant retraité. Justin Mapp, qui fut en 2015 le premier joueur autonome de l'histoire de la MLS. Et ça a pas vraiment bien été depuis. Ensuite, cette signature avec Kansas City. Mais si vous vous ennuyez de Justin Mapp, je vous conseille cette entrevue fortement. Marco Di Vaio. J'ai pas un moment en particulier. Je voulais marquer le travail général de Marco Di Vaio avec sa présence avec le club. On doit aussi saluer le travail marketing fait par plusieurs membres de l'Impact. Marco Di Vaio n'était pas un nom connu à Montréal avant la filtration de rumeurs concernant son possible départ de Bologne et son arrivée avec l'Impact. Et lorsque son nom a commencé à filtrer, lorsque les rumeurs ont commencé à être plus sérieuses et surtout nombreuses, les informations sur Marco Di Vaio, plusieurs fans se sont informés de ses qualités, de son potentiel. Qui est Marco Di Vaio? Quel genre de joueur, de marqueur est-il? Et quand Marco Di Vaio est arrivé, il y a eu un influx de popularité pour l'Impact. On se rappelle, Bernardo Corradi était l'attaquant principal de l'Impact de Montréal avant la venue de Marco Di Vaio. Ça rappelle des beaux souvenirs, ça. Bernardo Corradi, numéro 23, avec Justin Brown, aussi numéro 17, est un des attaquants de l'Impact de Montréal en 2012. Ça fait longtemps, hein? Ça rappelle des souvenirs, hein? Mais Marco Di Vaio, son travail total, sa facilité de marquer des buts contre les Philadelphies de ce monde, son désir de toujours vouloir marquer, même... Je m'ennuie de le voir hors jeu. C'était le fun de le voir offside tout le temps. Je dis, m'allez, l'arbitre va le manquer. Puis il va le laisser marquer, puis il va compter. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Marco Di Vaio. Et si j'avais un mur du temple de la renommée, que je n'ai pas, mais dans mon studio, si je pouvais, mais je retirais un numéro 9. Patrice Bernier peut-être, mais retirer des numéros, j'aime pas bien ça. Mais le nombre de buts marqués de Marco Di Vaio lui mérite une honneur spéciale, selon moi, durant ce 25e anniversaire. Marco Di Vaio, première superstar de l'Impact en MLS. Je pense que ce titre lui revient. Et c'est avec beaucoup de facilité que je lui donne ce titre. Parce que Marco Di Vaio a changé un peu la donne. Lorsqu'il est arrivé à Montréal, Marco Di Vaio était capable de nous montrer un peu à quel point c'est beau de voir jouer un attaquant avec un style comme le sien, avec un flair pour le but, un instinct pour le but, comme on l'a vu. Ça a pris du temps avant de débloquer, vous allez dire, si vous vous rappelez, au milieu de la saison 2012, ça a pris 6, 7, même 9 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas aussi précisément, mais ça a pris un bon nombre de matchs avant de débloquer le compteur de but de Marco Di Vaio avec l'Impact. Mais un coup que ça a débloqué, c'était parti pour de bon. Et Di Vaio, première superstar de l'Impact, numéro 9 dans mon top 10 des moments ou des personnalité de l'Impact durant ses 25 ans. Et un autre de ces moments, le 25 février 2009. Ça vous rappelle quoi, ça? Au-dessus de 55 000 personnes au Stade Olympique pour un match de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Montréal en deuxième division contre Santos Laguna, équipe de la Ligue du Mexique, la Liga MX. Ben ouais. Et l'Impact, deux buts d'Eduardo Sebrango. Eduardo Sebrango écrivant son nom dans la légende du soccer montréalais, spécialement la deuxième division. Deux buts, 56 000 personnes, victoire de 2-0 lors du premier match de la quart de finale de la Ligue des Champions en 2009, la saison 2008-2009. On se rappelle, l'Impact s'est qualifié pour ce match en battant des clubs tels le Real Estelí. Oui, oui. Le Joe Public. Absolument. C'était des clubs intéressants. Ouais, intéressant. Ouais, OK. On peut dire intéressant. Moi, quand je pense à Joe Public, je sais pas, j'ai une image de boxeur. Peut-être parce que je pense à Joe Boxer, mais en tout cas, c'était des clubs qui étaient... ça nous a fait saliver pour ce qui nous attendait plus tard dans l'histoire du club. On y vient, ça serait pas bien long. Mais le 25 février, moment numéro 8 de mon top 10 des moments marquants pour moi, pour l'Impact de Montréal. En ces 25 ans, on passe maintenant au numéro 7, Drogba, l'aéroport, l'arrivée, le début de cette histoire d'amour entre le public montréalais et ce grand joueur de la Côte d'Ivoire, numéro 11, une légende de mon club favori, Chelsea. Un moment que je ne croyais vivre de toute ma vie. C'est la même chose pour quand j'ai été fait partie du premier scrum que j'ai fait dit Drogba. Ouais, il y a des moments comme ça dans notre vie qu'on pense même pas, on rêve même pas à ces moments-là en se disant c'est impossible que ça arrive. Et pour moi, l'arrivée de Drogba à l'aéroport en cette journée du printemps 2015, lorsque Drogba est arrivé à l'aéroport, ouais, ça a changé la donne. Ça a changé la manière dont plusieurs fans perçoivent l'Impact de Montréal. Ça a fait découvrir l'Impact de Montréal pour plusieurs nouveaux fans. Ça a créé une certaine relation entre des fans de Chelsea et de l'Impact. Pour un certain moment, on a vu la bannière de Chelsea Legend qui était avec la orange, la fameuse bannière orange avec Drogba, qui a fait son apparition à Montréal après par des supporters de Chelsea. Mais pour revenir au moment que je pensais jamais vivre, c'est l'arrivée évidemment de Drogba à Montréal, le fait que Didier Drogba, un de mes joueurs personnellement les plus appréciés que j'ai vus de toute ma vie. Une des raisons pourquoi j'adore ce sport, c'est Didier Drogba. J'ai découvert Chelsea au milieu des années 2000. Vécu de grands moments de fierté, de grands moments de jubilation avec Didier Drogba lorsqu'il a marqué de la tête à certaines soirées contre un Bayern Munich en 2012, parmi tant d'autres. Donc oui, cette journée-là, pour moi, n'est pas seulement l'arrivée d'un joueur dont j'aimais beaucoup avec l'Impact, non seulement la réalisation d'un rêve professionnel que je savais même pas que j'avais, un jour par là, Drogba. Ouais, ben pour moi, ça représente ça, Drogba. Ça représente l'ouverture à l'international encore plus que jamais. On avait vu l'AC Milan venir jouer contre l'Impact de Montréal au Stade Olympique en 2009 et d'autres moments comme ça qu'on a vus. Mais ça n'équivaut pas à l'arrivée de Drogba. Aux images des attroupements de fans à l'aéroport qui ont fait le tour du monde de la planète foot. Et c'était beau à voir, réconfortant, plein d'espoir. Et il nous ramenait en enfance à ce moment qu'on découvre le sport qu'on aime. Et pourquoi qu'on découvre ça? Pourquoi? Parce que c'est lisse. On découvre pas ça à cause qu'on aime la tactique. Ou on découvre pas parce que, oh, moi, j'aime le... Des fois, c'est aussi simple que deux, trois raisons. On aime un logo, on aime une couleur, on aime le sport. Et un moment marquant nous a fait découvrir tout l'amour que l'on peut avoir pour un sport, pour un joueur, pour une image, pour un regard. Et pour moi, Drogba, ben c'est ça. OK, je pourrais parler pendant des heures de Didier Drogba. Là. On va passer au numéro 6, le 12 mai 2012. Un certain David Beckham a fait son apparition pour la seule fois à Montréal en tant que joueur compétitif pour le LA Galaxy devant 60 860 personnes au Stade Olympique. Un match nul de 1-1 pour l'Impact de Montréal contre le LA Galaxy. Et les fans de Beckham étaient ravis en voyant un but sur coup franc. J'y étais présent. Et je dois dire que, oui, j'ai vu David Beckham marquer sur un coup franc, mais l'Impact a quand même tenu son épingle du jeu dans ce match, 1-1. Et ce fut pour moi un des moments marquants de l'Impact. La venue de David Beckham a fait venir des fans du Real Madrid, de l'AC Milan et de Manchester United au Stade Olympique. Plusieurs heures de route, de Toronto au nord de l'État de New York, en passant par le Maine et le Vermont, de Montréal, en passant de Québec. De ces 60 000 personnes-là, plusieurs ont découvert l'Impact de Montréal pour la première fois. Plusieurs sont revenus voir l'Impact plusieurs fois depuis. Certains sont devenus des détenteurs de billets de saison. On finit par le trouver, le mot. Certains sont devenus détenteurs de billets de saison. Et ce... Un moment charnier, Un moment important de l'Impact de Montréal, 60 000 personnes qui viennent vous voir, même si peut-être 30 000 sont venus pour d'autres raisons que voir l'Impact jouer, sont ressortis avec une impression de voir l'Impact jouer. Et ce, ça a amené à plusieurs nouveaux fans, des jeunes qui avaient 5-6 ans, qui ont été émerveillés par un David Beckham et par l'Impact de Montréal. Maintenant, détenteurs de billets de saison, maintenant supporters de l'Impact et consommateurs de produits IMFC. Numéro 5, et c'est maintenant qu'on va un petit peu dans l'histoire et dans la gloire de l'Impact de Montréal en deuxième division. 1994, premier championnat à vie du soccer montréalais au niveau nord-américain. Championnat nord-américain, c'était la A-League à ce temps, je crois. Je pense que oui, on va vérifier, mais on va en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va faire l'histoire de la deuxième division. Mais si je ne me trompe pas, 94, c'était encore la APSL, donc l'American Professional Soccer League, l'ancêtre de la USL, qui était la United Soccer League. On va parler un petit peu plus tard quand on va parler de l'histoire du club en deuxième division. Mais en 94, regardons un petit peu Valerio Gazzola, l'entraîneur, qui était présent lundi au Stade Saputo pour parler de les 25 ans et de l'histoire du club. En 1994, l'Impact termine au troisième rang en saison régulière en vertu d'une fiche de 12-8. En demi-finale des séries, l'Impact récolte son premier triomphe en ronde éliminatoire contre le Salsa de Los Angeles grâce à une fusillade décisive en Californie. Le gardien Pat Harrington stoppe un tir avec son visage. Intéressant. Patrick Diotte marque le but décisif et l'Impact a droit à une finale à Montréal contre les Foxes du Colorado. La troupe montréalaise signe une victoire de 1-0 grâce à un but sur coup franc de Jean Harbour. Au sifflet final, plusieurs centaines des 8169 spectateurs envahissent le terrain du stade Claude Robillard pour célébrer le premier championnat professionnel nord-américain que Montréal obtient en soccer. Et cela est mon moment numéro 5 de l'histoire de l'Impact de Montréal pour moi. Numéro 4, mais on va juste une saison plus tôt. On remonte en 93. Plus précisément, décembre 92, le début de 93, je parle de la première saison de l'Impact de Montréal. De l'ère, surtout, Impact pour le soccer à Montréal. Merci, Joey Saputo. En décembre 92, Joey Saputo s'engage pour 5 ans à titre... Bon, Saputo en général, c'est pas juste Joey à ce moment-là. Saputo s'engage pour 5 ans à titre de propriétaire d'une nouvelle équipe professionnelle de soccer à Montréal. L'Impact entreprend ses activités sous la direction du président Joey Saputo, du directeur général Pino Asaro et de l'entraîneur-chef Eddie Firmani. L'Impact complète sa première saison au sein de la APSL au dernier rang du classement, mais non sans conclure la campagne avec une séquence de 7 victoires, un record d'équipe qui tient toujours d'ailleurs, même s'il a été calé quelques fois, 4 fois près présent, depuis. Encore une fois, merci à l'Impact de Montréal pour cet article que vous pouvez trouver sur leur site internet à impactmontréal.com/fr/club/histoire. Numéro 3, maintenant on se transporte en 2004 et c'est le championnat de la USL de l'Impact de Montréal. N'a pas eu le meilleur début de saison, mais sous les ordres de Nick DeSantis, l'Impact a carrément changé de visage en fin de saison et a connu une des séries à se rappeler en éliminant évidemment le Raging Rhinos de Rochester. Rest in peace. On s'ennuie de vous. C'est un moment triste lorsque j'ai entendu parler de la fin des activités des Rhinos. Mais on dit que je m'ennuie du Dino's Barbecue. Ceux qui savent, ben ils savent. 2004, championnat de la USL. Mon troisième moment, le plus important pour moi, dans l'histoire de l'Impact sur notre top 10. Maintenant, le top 2. Vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça. Hein? Il ne reste plus grand moment, plus grand. Il en reste plus gros là, que vous vous dites « Ah ben, il n'a pas encore mentionné ça. Ça doit s'en venir dans pas long. » Finale de l'Est 2016. Toronto FC, Montréal. Encore à ce jour, la série maison extérieure la plus intense que j'ai eu le plaisir d'assister autant à Montréal que à Toronto. 7-5, comme on dirait, si vous êtes constructeur de maison, en agrégat, c'est ça, c'est de l'agrégat. En aggregate, 7-5. Au total des buts, 7 pour Toronto, 5 pour Montréal. Après le premier match, 3-2, bon, Évidemment, il s'est passé quelque chose avec l'écran. Donnez-moi une seconde ici. Bon, on va arranger ça plus tard. On va finir l'émission. Vous allez voir l'écran vert pour un petit instant ici. On s'excuse. C'est ça qui arrive en direct des fois. Et voilà. Alors, comme je disais, 2016, finale de l'Est, Impact de Montréal. Contre Toronto FC. Pour moi, cette série aller-retour était le sommet. Le sommet ultime du soccer montréalais. Et je n'ai pas vu de moment aussi intense, une rivalité aussi intense, des joueurs d'un aussi haut calibre, du beau soccer. Ces deux matchs sont gravés à ma mémoire pour un bon moment. Et je suis encore content d'avoir été capable d'assister à ces deux matchs, d'avoir été capable de décortiquer ces matchs et de savoir pourquoi Toronto est devenu une si bonne équipe. Toronto a perdu en finale la Coupe MLS la semaine plus tard. Mais je dois avouer, l'Impact a quand même passé proche. Ils ont poussé Toronto à bout jusqu'en prolongation au deuxième match. Quelle série aller-retour pour moi. Le deuxième moment, quand même près du premier, mais le premier moment, vous vous doutez que c'est un moment un petit peu encore plus spécial. Qui était pour moi, oui, côté soccer, c'est le deuxième aller-retour le plus intense et le plus agréable que j'ai eu la chance de couvrir. Mais si on additionne la foule, si on additionne le voyage, si on additionne les moments, les souvenirs au Mexique, 2015, finale de la Ligue des Champions, numéro un. Moment numéro un de l'histoire de Montréal. Du soccer, en tout cas, pour moi, pour Kevin Laramé. À sur la transversale, notre top 10 se termine avec la finale de la Ligue des Champions. En 2015, le 22 avril, premier match au Estadio Azteca. Le 29 avril, deuxième match à Montréal. On se rappelle du résultat, 1-1 à l'Azteca. Malheureusement, 4-2 América à Montréal. Et les Pac perdus à la maison, 5-3 au total des buts. Mais toute cette aventure des séries, cette histoire que l'Impact a fait en 2015, c'était le thème des campagnes de publicité de l'Impact de Montréal. Faisons l'histoire, et ils l'ont fait. Malheureusement, ils ne l'ont pas gagné. Mais ce moment de l'Impact en finale de la Ligue des Champions, ou ce but, Cameron Porter, qui a annoncé sa retraite de jeu il y a quelques mois, était venu faire un retour à Montréal aussi pour sonner la cloche avec les 16-42. Mais Cameron Porter, ce but à la 87e minute du match retour de la série aller-retour contre Pachuca. Contre Pachuca, exactement. Et qui a sonné le glas de Pachuca. Ça, c'est avant la cloche. Avant la cloche, on a sonné le glas. Ça, c'est une affaire. Avant de sonner la cloche du Nord, on a sonné le glas de Pachuca. Et c'est Cameron Porter qui a fait cela. Je me rappelle, j'étais avec la 127. Salut 127 Montréal, j'étais avec eux, club de supporters, sur les abords du terrain. Littéralement, à un pied du terrain, seulement séparé par une petite barre de métal. On festoyait, on avait un petit peu le désarroi aussi très près du cœur parce que notre équipe était très près de se faire éliminer. L'opportunité. Et c'est Porter pour Montréal! Ouh! C'est noir. Je me rappelle plus de rien après ça. J'ai vu des images. On me voit sauter, shake à la barrière, tasser ma tête, capote un petit peu. C'est ça. C'est ça la beauté du sport. C'est ça la beauté des moments. T'sais, voir l'Impact marquer un but à Estadio Azteca, puis voir un Arcadio Marcuzzi gueuler, sauter sa galerie de presse. OK, no cheering on the press box. Des fois, c'est pas vrai. Mais cette fois-là, Arcadio Marcuzzi ne pouvait se retenir d'avoir l'Impact marqué au Estadio Azteca. Des souvenirs marqués dans ma mémoire. Malheureusement, le but d'Azteca marqué à la 79e minute, 81e minute. Petite anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà conté, mais on va vous la compter aujourd'hui pour terminer cette top 10 de l'émission. Estadio Azteca, l'Impact mène 1-0. On a été averti que la conférence de presse a lieu quand même assez loin de notre galerie de presse qu'on avait. Je dois dire galerie de presse quand même de fortune parce que pas d'Internet, pas grand-chose. C'était plus un banc puis une table. C'est pas mal ça. Puis on voulait de la bouffe, il y a quelqu'un qui passe en avant et qui vendait. En tout cas, galerie de presse, c'était avant les rénovations du Stadio Azteca qui ont lieu genre 6 mois après. T'sais. Et encore là, c'est toujours pas parfait. Mais revenons au match. L'Impact mène 1-0 et on sait qu'on doit marcher un bon 10 minutes avant de se rendre à l'endroit où la conférence de presse des entraîneurs et des deux entraîneurs et de la zone mixte pour interviewer les joueurs va être, qui est dans les entrailles du Stadio Azteca, en dessous, sur le côté en dessous de la pelouse. Donc, on s'apprête à commencer à vouloir pacter nos petits. Je m'apprête à me lever pour descendre. T'sais. America marque le but égalisateur. J'ai juste le temps de fermer mon laptop, de le serrer et de le mettre proche de moi. Je me retourne, je regarde derrière moi et j'ai une vague de bière, popcorn, sac, casquette, peanut, hot dog. Une maudite bonne affaire que parce que c'est pas en Allemagne, ben, les gros hot dogs, ça fait mal, c'est quoi d'un œil, là? Et je me retourne, puis c'est tout ça qui s'en vient. La tradition, c'est quand America marque apparemment que tout ce que tu as dans les mains, ben, tu le pitches en direction des journalistes journalistes étrangers, apparemment. J'ai le temps de me pencher, de me cacher en arrière du bureau qui est en arrière de moi. La vague de bière ramasse le dessus de ma tête, ramasse tout le monde en avant, ramasse tout le monde qui sont debout, ramasse ceux qui commençaient à se lever pour marcher, pour aller vers la galerie de presse en bas. Que de bons souvenirs. Une bonne vague de bière et autre chose moins appétissante que je ne vais pas vous mentionner en ondes en l'heure du dîner maintenant. Mais, oui, mettons que c'était un moment dont je vais me souvenir de toute ma vie, cette vague de bière, de peanut et de tout le tralala qui m'a quand même montré que, ouais, des barbelés d'un stade, des fois, c'est utile. T'sais. Puis je suis bien content de les avoir eus à ce moment-là, parce que sinon, on aurait été écrasé par une vague humaine. Et je n'aurais peut-être pas sorti vivant du Stadio Azteca. Donc, pour ça qu'il y a des bars assez solides de clôture et de barbelés partout au Stadio Azteca. Il y a des traditions qu'on n'est pas au courant, genre festoyer puis dégringoler toutes les marches lorsqu'il y a un but. C'est des choses qui étaient le fun à voir. Durant cette aventure d'insérie de la CONCACAF aussi, qui ont mené à cette finale avec des champions. Il y a eu ce match aussi contre la Liga Deportiva à la Valencia, au Costa Rica, quand l'Impact a eu un bon succès là-bas aussi. Au Stadio Alejandro Moreno, qui était le stade de LDA, Liga Deportiva à la Valencia. Ce stade était un des stades les plus intenses, par exemple. Autant qu'on parle de Stadio Azteca, qui avait 75 000 personnes environ pour le match contre l'Impact. Mais à part du moment que l'América marquait, il n'y avait pas d'autre moment que c'était si intense que ça. À comparer le match contre la Valencia qui était intense. C'était juste 18 000 personnes, mais 18 000 personnes criant, chantant, sautant, faisant branler le stade intense, pitchant les affaires, des lighters, des scènes en arrière de la tête d'Evan Bush. C'est des choses qu'on a vues, des lasers. On a vu les lasers à Stadio Azteca, Mexique aussi, mais c'était quelque chose à Alejandro Moreno, à Soto. Là. C'était quelque chose. Mais ça, c'est mes top 10. Les 10 moments de l'histoire de l'Impact. Maintenant, on va terminer l'émission avec un bon article. On va quand même aller en vitesse. J'ai déjà lu le 93 et 94, l'histoire de l'Impact en deuxième division. Mais je pense que c'est important, en ces moments difficiles de l'Impact de Montréal en MLS, de se rappeler un peu du parcours déjà fait. C'est important des fois de se rappeler du chemin parcouru avant de voir l'avenir et peut-être que nous allons trouver quelques pistes de solutions pour l'avenir en regardant le passé. On a parlé de 93, la première saison de l'Impact. On a parlé de 94 qui était le premier championnat de l'Impact. Transportons-nous en 1995. L'Impact remporte le championnat de la saison régulière avec une fiche de 17 victoires et 7 défaites. Le 11 Montréalais regroupe alors des joueurs comme Poligno, Paul Daugherty et Steve Trich. Malgré la puissance évidente de l'équipe, l'Impact s'incline au premier tour des séries contre Ruckus d'Atlanta, complètement replié en défensive. L'Impact est éliminé sans perdre un seul match en temps réglementaire. Les deux défaites au cours de la série de trois matchs survenant en fusillade, oui, des séries de trois matchs dans le temps. Oui, mais même plus tard dans les annales de de l'Impact. Il y avait des matchs de 6 points. Si vous marquez plus que 3 buts, vous aviez 6 points au lieu de 3. On a vu des championnats de l'Impact gagner à cause de cette... championnat de saison régulière gagner à cause de cette règle. Maintenant, 1996. L'Impact remporte le championnat de la saison régulière avec une fiche de 21 victoires et 6 défaites. La réputation d'organisation de premier ordre de l'Impact lui permet désormais d'attirer plusieurs des meilleurs joueurs canadiens. Parmi les nouveaux cette saison-là, Cal Fletcher, Eddie Burdusco et Ian Carter. On embauche aussi un jeune Jamaïcain du nom Nonandi Lowe qui participera éventuellement au Mondial en France en 1998. Gagné par les Bleus, évidemment, l'Impact est encore l'un des favoris en série, mais s'incline contre une équipe d'expansion, les Raging Rhinos de Rochester. Rest in peace. En 1997, le circuit s'appelle maintenant la A-League et l'Impact remporte le championnat de la saison régulière. Un troisième de suite avec une fiche de 21 victoires et 7 défaites. Le 11 Montréalais élimine les Lynx de Toronto au premier tour des séries, mais s'incline contre les Rough Riders de Long Island. Le match décisif se décide en fusillade. Le repos sera court pour les joueurs puisque l'Impact entreprend sa première saison en soccer intérieur dans la NPSL. Au Stade Molson. Pas au Stade Molson, mais au Centre Molson dans le temps. Paul Kitson étant maintenant l'entraîneur, l'Impact présente un dossier de 21 victoires et 7 défaites et se qualifie en série pour une cinquième saison de suite, 1998. Le 11 Montréalais élimine les Vipers de Staten Island au premier tour des séries, mais s'incline au tour suivant contre un vieux rival. Pour la deuxième fois en 3 ans, les maudits Rhinos de Rochester. Au printemps, Saputo cède l'Impact à un groupe d'actionnaires locaux. Ce groupe choisit de ne pas disputer la saison estivale 1999 dans le but de mieux préparer la saison intérieure 99-2000, qui devait avoir lieu cette fois au complexe sportif Claude Robillard. Ce devait toutefois être la dernière saison en salle de l'Impact. 2000, de retour au soccer extérieur, l'Impact rate les séries pour la première fois depuis 1993. L'équipe connaît un mauvais début de saison. Zoran Janković est remplacé par Valerio Gazzola au poste d'entraîneur. Au cours de l'été, la concession intérieure de l'Impact est vendue à un groupe d'affaires torontois, tandis que la concession extérieure est vendue au groupe financier Ionian. Transportons-nous maintenant en 2001. Vous êtes Patrice Bernier joue pour l'Impact en 2001. La saison 2001 a été difficile puisque le retrait soudain d'Ionian en milieu de campagne a forcé la A-League à mettre l'équipe sous tutelle. En acceptant de compléter la saison malgré des coupures budgétaires importantes, les joueurs permettent de sauver le soccer à Montréal. Malgré le contexte difficile, les joueurs montréalais viennent à une victoire près de se qualifier pour les séries. En 2001, l'équipe a tout de même remporté la Coupe de Montréal, un tournoi international à 6 équipes disputées au Centre sportif Claude Robillard. À l'automne, Joey Saputo annonce en conférence de presse que l'Impact est désormais une entité sans but lucratif et que son avenir est assuré pour au moins les 5 prochaines années grâce à la présence d'investisseurs importants tels que le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Saputo. Dirigé par Bob Lilly, entraîneur légendaire des divisions secondes et tierces en Amérique du Nord, maintenant entraîneur des Riverhound de Pittsburgh, SC, et l'ancien entraîneur des Rhinos de Rochester, jusqu'à leur fin, qui était l'année dernière. Dirigé par Bob Lilly, l'Impact, en 2002, complète la saison au premier rang de la section nord-est, à égalité avec les Raging Rhinos de Rochester. Grâce à une fiche de 16-9-3, 16 victoires en 9 défaites, 3 matchs nuls, l'équipe se voit attribuer la Coupe des Voyageurs. Trophée remis à l'équipe la mieux classée à l'issue des affrontements aller-retour entre les équipes canadiennes de la A-League au cours de la saison. L'équipe attire une assistance moyenne de 5174 spectateurs par match à domicile, la meilleure de son histoire. L'attaquant Eduardo Cebrango établit une nouvelle marque d'équipe en complétant 18 buts. L'Impact participe aux séries pour la 6e fois de son histoire et atteint le 2e tour pour la 4e fois. Le 11 Montréalais est toutefois éliminé par les maudits Raging Rhinos de Rochester pour la troisième fois. Mentionnons 2002, début de la présence du groupe de supporters Ultra Montréal, UMO2, dans les assistances. 2003, dirigé pour une deuxième saison par l'entraîneur-chef Bob Lilly, l'Impact termine la saison régulière au deuxième rang du classement général derrière le Wave de Milwaukee avec un dossier de 16 victoires, 6 défaites et 6 matchs nuls en 28 matchs pour un total de 54 points. Mauro Biello, je pense que vous le connaissez, conclut la saison au premier rang des pointeurs de l'équipe au chapitre des points avec 7 buts et 6 passes pour un total de 20 points. Malgré une autre saison gagnante, l'Impact est éliminé en première ronde des séries par, vous l'aurez deviné, les Rhinos de Rochester, par un pointage combiné du total des buts de 2-1. Il s'agit de la quatrième élimination aux mains des maudits Rhinos. La United Soccer League honore Lilly, qui est nommé entraîneur de l'année pour la deuxième fois de sa carrière. Le gardien international canadien Greg Sutton, qui a mené l'équipe à la meilleure défensive du circuit, remporte le trophée remis au gardien de l'année avec une moyenne de buts alloués par match de 0.73. Lui qui a également été le plus utilisé avec 2463 minutes de jeu. Gabriel Gervais est sélectionné à titre de défenseur de l'année. Lui et Sutton sont aussi nommés sur la première équipe d'étoiles de la United Soccer Leagues. L'Impact remporte aussi la Coupe des Voyageurs et la Coupe Can-Am, un tournoi disputé en marge du championnat, qui est un peu la Coupe de la Ligue pour la United Soccer Leagues à ce moment. Transportons-nous maintenant en 2004, on en a parlé rapidement, mais lisons un petit peu plus en détail qu'est-ce que ressemblait la saison 2004 de l'Impact de Montréal. Nick DeSantis prend la relève de Bob Lilly comme entraîneur après une saison en tant que joueur-entraîneur. L'Impact démarre la saison avec une série de 12 matchs sans défaite et termine la campagne avec un dossier de 17 victoires, 6 défaites et 5 matchs nuls et 56 points en 28 matchs. L'attaquant Eduardo Sembrago termine au premier rang des pointeurs de l'équipe avec 8 buts et 3 mentions d'assistance pour 19 points en 23 matchs. Malgré plusieurs blessures, l'Impact termine le calendrier régulier au deuxième rang du classement général derrière les Timbers de Portland. En première ronde des séries, l'Impact affronte ses grands rivaux, les maudits Raging Rhinos de Rochester. Lors des 4 affrontements précédents, 2003, 2002, 98 et 96, l'Impact a perdu contre les Rhinos. Cette fois, l'Impact blanchit Rochester 1-0 dans chacun des deux matchs pour atteindre la deuxième ronde et battre les Salty Dogs de Syracuse en demi-finale. En finale contre les Sounders de Seattle, le 11 Montréalais l'emporte 2-0 grâce à des buts de... Je vous conseille de suivre ce dernier sur les réseaux sociaux. Vous m'en remerciez dans quelques semaines. Deux buts de Mauricio Vincelio et Fred Commodore. Il s'agit d'un deuxième titre en 10 ans. La moyenne d'assistance par match est chiffrée à 9279 spectateurs par match au Centre sportif Claude Robillard, améliorant la moyenne de l'année précédente de 2000 partisans. Le gardien Greg Sutton remporte le titre de joueur le plus utile dans la Ligue et Gabriel Gervais reçoit, pour une deuxième année consécutive, le titre de défenseur de l'année, en plus de mériter l'honneur du joueur le plus utile au sein de l'Impact. DeSantis est finaliste au titre d'entraîneur de l'année. Maintenant, 2005. Champion en titre de la Ligue, qui s'appelle désormais la première division de la United Soccer Leagues, l'Impact amorce à nouveau la saison en force. Cette fois, avec une séquence de 15 matchs sans défaite, un nouveau record de la Ligue, l'Impact décroche le 4e championnat de la saison régulière de son histoire avec un dossier de 18 victoires, 3 défaites et 7 matchs nuls. Les 3 défaites étant un nouveau record d'équipe. Le 11 Montréalais ne cède par ailleurs que 15 buts en 28 matchs, un sommet dans la Ligue qui lui permet d'égaler le record d'équipe établi l'année précédente. Nick DeSantis est proclamé entraîneur de l'année dans la Ligue. L'équipe obtient un laissez-passer en ronde de demi-finale des séries, mais s'incline contre les Sounders de Seattle. Au chapitre des assistances, l'équipe obtient la meilleure moyenne d'assistance de son histoire, soit 11176 partisans par match, une augmentation de 20,4% par rapport à l'année précédente. deux années de suite, 2004 et 2005, dont la croissance des assistances a grandi de plus de 2000 personnes par année. Est passé de 5, 6, 7 000 à 9 000 et à 11 000. Deux années charnières dans l'évolution de la popularité de l'Impact de Montréal à Montréal. Maintenant, 2006, l'Impact est champion de la saison régulière pour la deuxième année consécutive, la cinquième fois de son histoire, et remporte aussi la Coupe des voyageurs, remis à la meilleure équipe canadienne du circuit pour la cinquième année consécutive. L'Impact présente aussi la meilleure défensive de la Ligue pour une quatrième année d'affilée, ne louant que 15 buts en 28 matchs. Les 10 blanchissages signés à domicile égalent un record du club, tandis que les 4 buts alloués à domicile sont une nouvelle marque. L'Impact est aussi le champion de la D1 de la USL au chapitre des assistances, ayant joué devant un total de 161 762 personnes, pour une moyenne de 11 554 spectateurs par rencontre à domicile. Comparé à 10 064 pour les Raging Rhinos de Rochester, l'Impact accueille son 1 millionième spectateur le 25 août lors d'un match contre les Mariners de Virginia Beach. Individuellement, Gabriel Gervais est nommé défenseur de l'année dans la Ligue pour une troisième fois d'affilée et pour la troisième fois de sa carrière. 2007, l'Impact de Montréal termine la saison régulière au troisième rang du classement de la première division de la USL, 4 points derrière les Sounders de Seattle et 1 point derrière les Timbers de Portland. La formation montréalaise est éliminée par les Islanders de Porto Rico en quart de finale de la D1 de la USL, 5-3 au total des buts. L'Impact remporte la Coupe de voyageurs remis à la meilleure équipe canadienne du circuit pour la sixième année consécutive avec 14 jeux blancs. En 2007, l'Impact blanchit de l'adversaire dans 50% de ses matchs, 14 sur 28, et conserve la meilleure fiche sur la route, 7-3 et 24, 7-3 et 4, 25 points. L'attaquant Charles Becquet, oui, ça vous rappelle des bons souvenirs, un des figures importantes de l'Impact avant la MLS. L'attaquant Charles Becquet remporte le championnat des buteurs de la première division de la USL avec 10 buts, à l'égalité avec l'attaquant des Sounders de Seattle, Sébastien Letout, qui vient de prendre sa retraite à titre de joueur des Union de Philadelphie. Il s'agit de la dernière saison disputée au complexe sportif Claude Robillard. En 176 matchs disputés dans ce stade, l'Impact a conservé un dossier de 115 victoires, 43 défaites et 18 verdicts nuls. 278 buts pour, 132 buts contre. Un total de 1,088,087 spectateurs ont assisté au match de saison régulière à Montréal depuis 1993. Transportons-nous maintenant dans les années qui ont mené à la MLS, les années charnières du développement et de l'accroissement de la popularité de l'Impact avec un nouveau stade. 2008. L'année 2008 a été historique pour l'Impact à plusieurs niveaux. L'Impact inaugure son nouveau domicile, le Stade Saputo, le 19 mai contre Vancouver, après un début de saison plutôt difficile. L'Impact effectue une remontée au classement de la première division de la USL et termine la saison au troisième rang avec un dossier de 12 victoires, 12 défaites et 6 matchs nuls. Nick DeSantis quitte son poste d'entraîneur-chef pour devenir directeur technique du club, tandis que John Limniatis prend la relève le 10 juin. En séries éliminatoires, le 11 Montréalais élimine les Sounders de Seattle 4-3 au total des buts, mais s'incline ensuite en demi-finale 2-1 devant les éventuels champions, les Whitecaps de Vancouver. Entre-temps, l'Impact remporte la première édition du championnat canadien Nutrilite le 22 juillet à Toronto grâce à un verdict nul de 1-1 face au Toronto FC de la Major League Soccer. Le gardien Matt Jordan est nommé joueur le plus utile de l'équipe dans ce tournoi. Les champions canadiens accèdent donc à la ronde préliminaire de la Ligue des champions de la CONCACAF. L'Impact défait le Real Estelí du Nicaragua 1-0 dans une série aller-retour au total des buts et accède à la phase des groupes. Jouant un rôle de négligé, l'Impact termine au deuxième rang du groupe C avec une fiche de 3 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls et obtient son laissez-passer pour la ronde quart de finale. En quart de finale, l'Impact de Montréal écrit une autre page d'histoire le 25 février 2009 en signant une victoire de 2-0 contre le club mexicain Santos Laguna devant 55 571 spectateurs au stade olympique. Le 11 montréalais est toutefois éliminé de la Ligue des champions de la CONCACAF, 5-4 au total des buts, suite à une défaite de 5-2 lors du match retour, deuxième demi de l'enfer avec 4 buts accordés, lors du match retour joué le 5 mars à Torreón, au Mexique. 2009. Après avoir amorcé la saison 2009 avec une série de 5 matchs consécutifs sans victoire, Mark Dos Santos prend la relève de John Limniatis à titre d'entraîneur-chef par intérim. Malgré une saison en dents de scie et une contre-performance lors du championnat canadien Nutrilite, l'Impact termine le calendrier régulier avec une série de 8 matchs sans revers. L'équipe conclut la saison au 5e rang du classement général, assurant du même coup sa qualification en séries éliminatoires. L'Impact enregistre 6 victoires de suite pour décrocher le 3e championnat des séries de son histoire après ceux de 1994 et 2004. En finale de championnat, l'Impact remporte la série aller-retour au total des buts, défaisant ses rivaux canadiens, les Whitecaps de Vancouver, par un pointage de 6-3 et de 3-2 le 10 octobre au stade Swangard, puis 3-1 le 17 octobre au stade Saputo. L'attaquant Roberto Brown reçoit le titre de joueur le plus utile de la série finale après avoir récolté un but et une passe lors du match retour. Brown termine également au premier rang des pointeurs du club pour une deuxième saison de suite avec 7 buts et 3 mentions d'aide pour 17 points. Le milieu de terrain David Testo reçoit pour sa part le titre de joueur le plus utile du club, alors que Mark Dos Santos est finaliste au titre d'entraîneur de l'année dans la Ligue. L'organisation officialise son titre d'entraîneur-chef le 13 novembre 2009, confirmant son retour pour la saison 2010 et 2011. En passant, si jamais vous vous posez la question, David Testo, oui, c'était un joueur qui a été important pour l'Impact de Montréal, et un joueur qui est important pour le sport en général. Selon plusieurs vérifications et jusqu'à maintenant, officiellement parlant, David Testo était le premier joueur professionnel à sortir de soccer, à sortir du placard. Félicitations pour ton courage pour ce moment, David Testo. Et en espérant qu'il en a inspiré plusieurs, dont les Robbie Rogers de ce monde, et en espérant plusieurs autres aussi à suivre. 2010, après un début de saison en dents de scie, l'Impact rebondit à la fin du calendrier régulier avec un dossier de 6 victoires et une seule défaite. Lors de cette séquence, l'Impact marque 16 buts et en accorde seulement 3. La formation de l'entraîneur-chef Mark Dos Santos termine la saison en 6e position du classement général avec une fiche de 12 victoires, 11 défaites et 7 matchs nuls pour un total de 43 points. En séries éliminatoires, l'Impact n'a toutefois pas été en mesure de répéter ses exploits de l'année 2009. Après avoir éliminé Austin, l'Impact est défait en demi-finale par les Railhawks de la Caroline. Le nouveau venu de l'année chez l'Impact, l'attaquant canadien Ali Gerba, a terminé la saison au premier rang des pointeurs de l'équipe avec 9 buts et une passe pour un total de 19 points en seulement 13 matchs. Philippe Billy est le récipiendaire du trophée Giuseppe Saputo, remis au joueur le plus utile de la saison. Il est également nommé joueur défensif de l'année après avoir joué 2423 minutes en saison régulière. En 2010, l'Impact a aussi disputé 2 matchs internationaux contre les clubs italiens de première division, AC Milan et le Fiorentina. Le 2 juin, pas moins de 847 861 spectateurs ont assisté au match au Stade olympique entre la formation montréalaise et l'AC Milan, qui alignait notamment Ronaldinho de Gaucho, Pato, Philippe Inzaghi et Clarence Seedorf. En 2011, alors que le club, dernière saison en passant de l'Impact en deuxième division, alors que le club est en transition pour ses débuts en MLS en 2012, plusieurs vétérans de l'équipe prennent leur retraite durant l'entre-saison, dont le gardien Matt Jordan, le défenseur Adam Braz, le milieu de terrain Patrick Leduc et l'attaquant Eduardo Sebrango. À sa 16e et dernière saison en 2e division nord-américaine, l'Impact connaît un début de saison en dents de scie, remportant une seule victoire à ses 7 premiers matchs de la saison. L'entraîneur-chef Mark Dos Santos remet sa démission le 28 juin et le directeur sportif Nick DeSantis le remplace derrière le banc dans un poste intérimaire. Sebrango, un vétéran de 6 saisons avec l'Impact, effectue un retour au jeu le 29 juin et relance l'attaque avec 6 buts. Grâce à l'apport de nouveaux joueurs acquis dans la période estivale, tels que Cameron Knowles, Miguel Montano, Ryan Poore, Sinisa Ubipalipovic, Ian Westlake, l'équipe présente la deuxième meilleure fiche de la Ligue en deuxième moitié de saison avec 7 victoires, 3 défaites et 4 matchs nuls. Durant cette période, l'équipe s'est classée au premier rang de la Ligue offensivement avec 24 buts en 14 matchs et deuxième défensivement avec une moyenne de 0.86 buts alloués par match. Toutefois, l'Impact rate les séries éliminatoires, terminant la saison au 7e rang, seulement un point derrière les Stars du Minnesota, les éventuels champions de la NASL. L'Impact conclut son histoire en 2e division nord-américaine avec une fiche de 265 victoires, 155 défaites et 71 verdicts nuls en 491 matchs en saison régulière. 3 championnats des séries et 7 championnats canadiens. Le défenseur milieu de terrain de français, Assun Kamara, est nommé joueur le plus utile de l'année, alors que le gardien, Evan Bush, remporte le gant d'or de la NASL et le titre de joueur défensif de l'année chez l'Impact. Dans le cadre d'un match amical, l'Impact blanchit les Red Bulls de New York le 11 mai devant une salle comble au Stade Saputo. Le 10 août, l'Impact annonce la nomination de Jesse Marsh à titre d'entraîneur-chef de l'équipe en 2012. Les travaux d'agrandissement du Stade Saputo débutent officiellement le 3 octobre. Et ce conclut l'histoire de l'Impact de Montréal en deuxième division. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs. Et j'espère que cela vous a aidé à faire oublier les quelques dernières performances de votre club favori. Pour savoir où on va, des fois, il faut savoir par où nous avons passé. Et aujourd'hui, inspirons-nous du passé. Regardons le chemin parcouru. Et regardons vers l'avant. Ouais, en avant. Parce qu'en arrière, en tout cas, le en arrière récent, là, de quelques dernières semaines, c'est pas beau. Fait qu'on va regarder en avant, puis c'est ça. Mon nom est Kevin Laramie, merci de nous avoir écoutés sur YouTube. Vous nous écoutez toujours en direct sur YouTube au youtube.com/sportspodcastingnetwork. Merci de nous supporter sur Patreon. Vous pouvez voir l'adresse défilant en bas de l'écran ici. Ou sinon, vous l'avez dans la description. C'est le Patreon, patreon.com/sportspodcastingnetwork. Votre support est primordial à la croissance et à la qualité audio de nos émissions. Et nous vous remercions énormément de vos contributions. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dis là, moi? Commercial, @ Kev Laramé, @ sur Transversal ou notre page Facebook. Vous pouvez voir aussi les vidéos en version différée sur notre page Facebook disponible au facebook.com/ sur la transversale. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Kevin Laramé et je vous souhaite bon soccer.